Leçon 23. 23e leçon. Le dernier film de Jacques Duhamel. Première partie. Les Delon vont au cinéma. Il y a quelques instants, Monsieur le voisin m'a téléphoné. J'étais en train de choisir une cravate. Pour sortir avec ma femme. Je lui parlais du film que nous allons voir lorsque le téléphone a sonné. C'est moi qui ai répondu. Qu'est-ce que vous faites ce soir? M'a immédiatement demandé monsieur le voisin. Je vais au cinéma avec Yvonne. Ai-je répondu. Vous en avez de la chance. Yvonne est un ange. Qu'est-ce que monsieur le voisin t'a dit? Vous parliez de moi? Pourquoi? Parce que tu parlais d'ange? Sa femme et lui pensaient nous inviter ce soir. Et je lui ai dit que nous sortons.